Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux, les Marquis de Jonquière ont perdu hier par la marque de 5-1 lors du cinquième match de la série contre les Épaviers de Sorel. Seul Spiro Koulakos a marqué le seul but pour les Marquis. Le sixième match aura lieu ce soir à Jonquière. Guillaume Tremblay quitte les Sabres de Roberval pour aller diriger les Aiglons d'Allemagne. En entrevue sur les ondes de danadiosport.com, hier, Guillaume Tremblay a expliqué que ça n'a pas été une décision facile, mais le voyagement a pesé pour sa décision. Je pense quand même rapidement à M. Guy Larouche là, pour que lui puisse, si j'en revenais pas, qu'il puisse servir de bord tranquillement. Ouais. Donc, après peut-être un mois après la fin de la saison, j'ai réfléchi longuement. Là, j'ai laissé comme deux semaines... à pas y passer, puis là, il voulait une réponse quand même rapidement, fait que je me suis mis à réfléchir, puis j'ai décidé de continuer avec les Aiglons, puisque pour moi, la proximité, je veux dire, je demeure à Saint-Bruno. Okay. Donc, j'ai fait 3 ans à Roberval, là, que j'ai adoré, là. Sauf que côté familial, puis côté proximité, là, moins de distance à parcourir pour aller aux pratiques, aux entraînements, j'ai opté plus pour ça, là, pour... Dans un deuxième temps, Guillaume Tremblay explique que son plus gros défi sera de changer la mentalité de perdant qu'il y avait chez les Aiglons. Mon premier défi avec les Aiglons, ça va être de changer l'attitude peut-être négative par rapport aux deux saisons que les joueurs ont eues, là, quand même très difficiles. Mm. Je sais que je parlais avec des personnes de l'organisation, là. Il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui ont le désir de vaincre, puis c'est des joueurs qui ont eu quand même succès par le passé, sauf qu'avec les deux années qu'ils ont eues, peut-être bien que c'était rendu plus négatif, là. Fait que un qui a changé ça un petit peu d'attitude là, en début de saison, puis essayer d'amener quelque chose avec eux qu'on va s'entendre pour qu'on puisse tous pousser du même bord. Le golfeur de Saint-Prime, Kevin Fortin-Simard, a remis une carte de 72 pour se classer pour une deuxième journée lors de la compétition de qualification pour le US Open. Ça se déroule dans l'État du Massachusetts. Donc, grâce à sa performance, Kevin Fortin-Simard devrait compétitionner normalement au cours des prochains jours. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadiosport.com. Hier, on a parlé avec Marc Fortier où on fait le bilan des séries dans la Ligue nationale de hockey. Et aussi, Guillaume Gay vient nous expliquer sa décision de quitter les Sabres de Roberval pour diriger les Aiglons d'Allemagne. Sport local et régional à danadiosport.com.